capitaine Harvey! Trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le capitaine Caverne. Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette. Et aujourd'hui, il les accompagne dans les missions les plus périlleuses. Capitaine Caverne, te renverrons. Capitaine Caverne, t'es plus fort que Stéphaner. Batman, Superman, Superman, Wonder Woman. Ne font pas le poids face à tes super pouvoirs. Lève l'homme invisible si t'arrives à le voir. Mais l'incroyable, il l'a dans le cul. La tête cadère. Captain America a un bouclier, c'est pour mieux taper. Toi t'as tes mains et tes pieds et un gourdin pour mieux attaquer. Même les mutants X-Men, tu leur mets tes dents. Capitaine Caverne.